répète, faire attention à mes potes. Papa me répète, respect c'est pas que dans les poches. Et moi je me répète, jamais baisser les bras. On y arrivera si dans l'équipe y'a que des bras. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine que j'suis pété. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine que j'suis pété. Et ma belle âme me dit que j'suis beau. Quand j'sors en haute couture française, ils viendront dire que j'suis faux. Mais ils savent, quand j'parle j'suis censé, tu vas regretter. Yeah. Tu fais des manières, on veut la maille, on fait des bails, de la péter. Yeah. Des fois j'suis aïe, des fois j'suis aïe. Maman me répète, fais attention à mes pas. Papa me répète, respect c'est pas que dans les poches. Moi je me répète, jamais baisser les bras. On y arrivera si dans l'équipe y'a que des bras. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine que j'suis pété. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les bébés. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. Ça fait clic clic, pas, faut pas paniquer. J'en viens du bled, la baraque au daron sera nickel. Ils font tous la cité, je les vois comme des escorts dans l'hôtel. J'ai des principes, même si tu bois de l'alcool dans le cocktail. Quand tu t'es de résine, ça finit sur le parisien. Viens voir où je réside. Méchant mais on paraît ça. D'une parole on a parlé. On n'a plus rien dans la tête. Obligé de rafaler. Pour éviter qu'ils parlent. Frontière tu passes la danan. Ça sent la marijuana. C'est de la bonne salade. La frappe à Mohamed Salah. Fin d'histoire est salée. Tu prends 10 ans au palais. Tu repenses à tes enfants. T'as tous envie de les canner. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine que j'suis pété. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les têtes. Et mon pote on va pas céder. J'suis mal, la haine que j'suis pété. Maman me répète, fais attention à mes potes. Papa me répète, respect c'est pas que dans les poches. Et moi je me répète, jamais baisser